der deru med mën nañ ko jëfëndiko der yëpp mënees na ko jëfëndiko bam dess mbampo ak xaj mbampo parce que niko alcorane andi yuñ sul min amul shaytan ni mbampo mom ci muy dund sax sobe la su dewe également tamit sam du sangé dara xaj également tamit comme niñ ko gisé won ci hadithu xaj bi que ñom dañu japp ni xaj également tamit sobe la donc dañ ko dougalale ci lo bobu rek mën nañ jëfëndiko der yépp bam dess deru mbampo ak xaj ñaar yow mënuñu ko jëfëndiko benen position moy 6ème bi hanafiya yi la ñom également tam d'accord nañ suñu hadith yi waye mbampo lañ ci génné ñom né mën nga jëfëndiko deru lu med soko wulé bam dess deru mbampo parce que comme niñ ko waxé légui rek mbampo suy dund sax ab sowé la su déré également tamit amul ki amul luy changé 7ème position té inshallah xamna mo né position bi gëna dëgër ci masala bi inshallah moy position Khadi Abu Yusuf ak Zahira ñom dañ ni bëpp dér mu med soko wulé rek mën nga ko jëfëndiko ni ka hadith ni hadithu abdullah ibn abbas bi ande iza dubiha al ihab faqad tahura sa yuule da rek faqad tahura deug deug day dali lap wa inda arba ayma ihab dubiha bepp der bo xamni wuyu nagn ko rek der bob après day mujj lap xamna lol mo nek inshallah position bi gëna deugal ci ci mas'ala bi donc der mom hadi abou souf ban ki la wa mom moy sen danaka moy sen deuxième personnage buñ lan moy numéro 2 mais numéro 2 du ma sax donc dañuy gis ni kon def suñu ko wulé rek su meddi suñu ko wulé rek inshallah dinañ ko mëna jëfëniko ci comme ni ko hadith bi andi wa mën nañ ko jëfëndiko moy position bi ma la wax ni moy position bi gëna dëgër dañu outé ñu bëre borom xam nga dañu outé ci question bi mais li gëna dëgër moy ayyuma ihabin dubiha bëpp der bo xamni wulli nañ ko rek der bo mënees nako jëfëndiko condition yi moy ñu wulli ko soko wulle rek après mën nga ko jëfëndiko voilà parce que en fait yenen thèse yi nga xamantene ñom ñoy yi ci dess yeb yenen argument yi ñi utiliser yeb pour wax né buñ ko mënu jëfëndiko dëgërul dëgëraay bo xamantene mën nañ contrecarrer généralité bi nga xamantene mom mo nekk ci voilà dëgërul dëgëraay bo xamantene dañu mënu contrecarrer généralité bi nga xamantene mo nekk ci ay yuma ihabin bëpp der bu mu mëna do ñu wul rek faqat tahora da Allah voilà Ah, inshallah xamna dañuy gis 3ème partie masallah fait question jour de vie moy yenen question yu top ci liñ gis legui bi ci ñëk moy yi nga xamanteni mën nañ ko utiliser pour mëna wul di def ni mu ñëwé ci hadithu sayyidat maymuna wi radiyallahu ta'ala anha que yutahhiru al-ma'a wal-kharas hadith bi loolu la indi dinako label nep ak ndox ak nep dinako label mais dinañ gis ni fi que même certes borom xam xam yi outé nañ ci est ce que lepp mën na wulli def am deet amna safia une bonne partie ñuni loolu mënul nekku lepp lañ mëna utiliser am benen partie également tam ak hanabila yi yu wax ni mën nañ utiliser lepp lu mën ta doon l'essentiel c'est que derbi ginnaw bi ñu mën ko jëfëndiko mu wulé ko té xamna question bi également tam ko niñ ko gissé won rek day déllu wat après ci spécialiste yi nga xawante ñom ñoy liggéey ci bir mi ñom ñoo gëna apt ko xam après lan lañ mëna utiliser pour wulli der wala lan lañ mëna utiliser pour que derbi après mu mëna wulé ko deuxième question moy est ce que jant bi suma yoron sama der fi law ko fi baye jant bi ci tapew est ce que der bobu après mën na ko jëfëndiko mën na wax ni der bi kat wulé ko na bobu dañuy gis ni question bi ni dafa nek ci izalatu najas dafa bok ci masala yi nga xamanteni dindi sobe la té lolu je pense que gisone nañ ko que est ce que ndox kessé mo apt pour mëna dindi sobe am deet je pense que c'est vraiment ça. Et la réponse était que ndox kessé mën nga dindi sobé, sobé mën nañ ko dindi ak lenen, mën nañ dindi sobé ak lenen. Donc sama bayé sama der fi ni ci jant bi di ci tapé wu ba mu gis ni der bi kat mën na ko jëfëndiko, talé ko na et tout, wuyé ko na bu baax, der bo ginaag mën na ko jëfëndiko kon. Wa manam du ndox kessé mo mëna dindi sobé, du ndox ndox kessé wa du ndox kessé mo meuna dindi sobé parce que mo né ndox kessé mënu la dindi sobé manam moy ndox kessé kessé kessé mom du dindi sobé lool lay tek du ndox ko wa moy dindi sobé du ndox kessé mo meuna dindi sobé la question 3ème question moy suma wulé sama dér ba paré est-ce que damay obligé ma rahas ko après ak ndox lol dinañ gis ni itam que je suis pas obligé suma wulé dér ba paré ma rahas ko ak ndox bien vrai que amna ay wax yu am ci masala bi que dér bi sokoy wulé day am ay affaire yo xamanténi da ciy collé soko wulé paré soko fëggé mu dañ lol mom sobé la amna yo xamanténi également tam day sey ci biir dér bi yoyu ni que bo xam xam yu waxé ñi nga xamanténi dañu japp ni dér bi après day laap ñoñu amuñ ci problème day laap mais ñeñu également dinañ ci am problème et bi muju ci position wo moy que amna yo xamanteni après da ngay gis ni day tak ci der wi yo xamanteni après certainement da ciy collé mais lool li gëna dëgeuf moy lool tamit sobe la mu ne di nga dindi ko mo gëna dëgeuf légui 4ème question légui ñu dem 4ème question moy ba xam sama der suma ko baye fi ngelaw li ñu ouf ko ba mu dem ci bëreub bi nga xamanteni ñom lool mo nekk seen liggéey dañuy tané dañuy wulli ay der ñom ñu wulli der bob est ce que der bob day laap am deet lool également tam dañuy gis ni ci babu izalat najas lay bokk itam dindi sobé ñom suñu ko wulle der bi day mucc daal di laap parce que sobé je suis pas obligé ñu ni kat ki mo nekk la personne attitrée pour mu dindiko parce que lepp lo xamanteni rek mom aajewul yene ci bir lool ñepp mën nañ ko def kon même su fekke ni yefeur la même su fekke ni até la su ko wulé mën na ko jëfëndiko après ndax der day mujj daal di laap comme ni nga hadith bi andé ayyuma ihabin dubira benen question moy wa mom moy li ma wax légui rek est ce que ku nekk mën na wulé der est ce que tout le monde est habilité pour wulé der donc inshallah dañuy gis moy li ma wax rek lepp lo xamanteni aaji wul yene rek ñepp mën nañ ko def peu importe ko mu nekk yéfa ko mu nekk julit di moment où aaji wul yene rek donc ku nekk ko mën nga ko def légui benen bi moy 6ème question bi moy suma bayé sama der fi na question mom moy question bu sérieux bi ay suma bayé sama der fi bo wulimako modou ñew jël der wi daan kay wulli waxteen daal ñew jël der wi wulli ko légui der mom après kan moko mom lool ñett position mo ci bayé gaay jël mom ñett position mo ci am amna ñu ni der wi seydou moko mom batay amna ñu ni der wi man mi nga xamanteni mako momone audi mako mom batay bi gëna deuguer nak moy ñi wax ni der bi su fekke man dama bayyi sama der melni soxlaatumako amatuma ci ben yitte bayyi ko dal topato mako def ma dal seydou ñew jël der wi wulli ko boba seydou mom moy mom der bi après ginaaw ndax man wonewuma ben intérêt ci der bi nga xamanteni mom la bayyi fi alors que seydou mom gëna soxla ñew jël ko dal koy wulli et comme dañuy gis ni der bi après ko sey mo kay mom lool moy wax ci gëna deugal ci masala wow waaw mo lañ ci soxla yaa la doon wax sax ci seen loi yi ñoom wa si c'est après donc ko fa annoncé c'est res nullis da quoi hein res nullis dafa am droit lu ñuy wax ni une chose 100 mètres comme lo xamanteni dang ko bayyi woné wo ci ben intérêt et tout ku ko fop lool ko moy muju nek maître de ce secteur le maître de ce secteur res nullis ah ki ça voilà voilà benen bi moy benen exemple keur la nga xam bu a partir de benn yakar na 50 ans la waxon wal ne bu comme ni keur gi boko baye ni rek 50 ans dekké wo ci ki wo lolu ku ñew dekk ci yoy day daal mom keur gi 30 ans voilà d'accord voilà ben question wi top 7ème question moy deru nga xamé voilà mais ñu préciser né lolu manam moy loi Napoléon voilà code civil voilà code civil loi kay Bien question est top moi. Ça veut dire, si je veux le faire, est-ce que je peux faire des choses avec l'ibadat et le mu'amalat? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que également, je peux le décorer par exemple sur mon cœur? Oui, c'est ce que nous voyons également, que du moment où je veux le faire, le début de mon cœur, je peux le faire ci num la nexé comme niyo de salaam law ahaztum ihabaha akan nexon ngeen jël der bi wala hal lan tafantum bi ihabaha am motax bu ngeen jël der bi ngeen jëfëndiko ko ngeen jëriñoko donc dañuy gis ni kon ginnaw wulli ji rek der bi mën naka jëfëndiko ci ibadati ak ci muamalati question yi top moy der bi nga xamantene dañ ko wulli ba pare est-ce que mën nako lek alo tax dañuy gis ni mom li gëna sammu dal moy kenn duko lek parce que moy inna ma khurima alaykum maytatu waddam wala khunzir ba ay bi wax te ko meddi la won rek dal même terme sou labe tam li gëna sam moy bañ ko lek neuvième question moy est-ce que sobe mën nako wulé sama der manam masalo bi ni mujjé gis bo xolé da ngay gis ne meddu ci bopam dafa harama lek naka jek le fait que ñuy wulli der bi lolu tax muy lap ñu mën ko jëfëndiko limi gëna jégué moy ak woyfal manam ruxsa la gëna jégué mais dula dafa lak ciosan mais wulli gi manam luy wala lu koy label la mais boko xone ci walu woyfal la gëna jégué lool mom motax du taxaw taxawayu ciosan bi nga xamantene manam moy mbir mi ci bopam medd la ci ciosan parce que ñi wax tamit né lab na manam ñu wulli ko ñu bañ ko wulli comme xana bi ray xana ñoyam manam ñom tamit lool lañu gis dañu gis né ala kulli hal mënu ko label parce que au moment où mom ci jëmmi bopam non la mel manam ci jëmmi bopam en son essence dafa nan dafa sobeu lo xamne na en son essence dafa sobeu munte la ci manam ndax manam même mi ngi melni rek comme lo xamne ni sobe la dafa façon comme ko sobe la loko raxas sobe la rek du meuna la voilà donc bo xolé manam kon le fait que ñu muy lab manam lab gi até gogo nonu manam até lab gi boko xolé danaka woyfal la gëna jégué que da ngay gis né du ci ciosan ci kaw lolu kon moy gëna bax manam lan manam munul taxawayu ciosanu medd gi nga xamné mom la nekkio té mu haram ci luñu joyal té medd harama lek ci luñu joyal bam dess medd yenen tou sallallahu alayhi wasallam mais yi mom haramul moy gisone nagn ko ci hadith uhalla lana matisani wa tamana wallahu a'lam question bi moy est-ce que meuna wulé sama der est-ce que meuna ko wulé ak sobe comme suma yoron der buma bëgg wulé est-ce que meuna ci def alcool bu mu wulé ko lolou dañuy gis ni également tamit ci question wulé mom dafa nek dafa bok ci question yi nga xamanteni question état la en quelque sorte iftihal istikhala wa istikhala da fay joge ci ben état dem ci benen état comme par exemple alcool suñ ko jëlé def ko vinaigre da fay joge ci ben état wo xamanteni dafa sobe won dem ci benen état yo xamanteni da fay muju nek lu lab li également tam dañuy gis ni kon que absorber mën na ko wulé sama terre l'essentiel moy que der bi ginaaw gi mëna wulé mën ko jëfëndiko seigne saw mën na wulli der. Baax. Sobe. Mën na wulli der. Voilà. Loolu moo nekk position Imam Nawawi. Ñoom loolu la waral ñu wax indi ci mbir mi. Voilà. Ba pare dëgëral ko ñoom Imam al-Haramayn yi wax tabaraka wa ta'ala. Waaw manam der daal lu ko mën wulli ba mu wullee ko rek. Moo tax yenn sa saabu isa dubbi xal ihaaba rek buñ ko wullee rek. Ah dégg nga buñ ko wullee rek. Buñuy wulli côté bu am ci yàpp bi la wala der bi yëpp lañu wulli. Waaw moom c'est à dire que wulli ay façon la maanaam mooy rek wulli ci jëmmi boppam mooy li nga xamante ne moom lañuy maanaam ajout artificiel bi nga xamante ne moom la ci loxol nit di dugal wala bokk voilà moom lañ ciy dugal ba tax der bi mën a tàllaliku ba mujj nekk loo xam te dañ koy mën a jëfandikoo te duñu ragal ak yàqoom loolu mooy wulli voilà léegi nag foofu noo ko mën di defee rek ah. Mooy li ñuy def comme Sénégal bu ñuy wulli côté bu am ak yàqu. Voilà waaw waaw loolu voilà parce que voilà exactement parce que foofu moom moo ëpp danger. Mais parfois tam mën nga ko def ci côté bi tamit maanaam mën na am voilà yi ci kaw ni voilà yi ñuy defaree yëre yi dindi poil luy wàññi ko taayee defar mais de toute façon il faut que muy am accès ci biir il faut que mu am accès ci biir ba mu mujj tàllali ko complètement parce que objectif wul li loolu la mooy der bi ni mu mel noonu li ci biir dem ba nga xamante ne day nekk loo xam ne day day tàllaliku day li ci waroon a nëb par exemple li nga xam ne moom mooy li particulier tax affaire yi nëbët nga yëpp dañ bu ko defee dootul nëbëti dootul lemooti noonu rek mais day tàllaliku voilà loolu la léegi loolu la luñ mën a def ba loolu am rek loolu mooy objectif. Buñu jëlee terre bi ñu buñu jëlee parti bu am ak yàpp bi ñu dem ñu wullee côté boobu bàyyi beneen. Waaw ndax beneen bi sobe déedéet buñ ko wullee ba mu nekk ba mu wullee ko rek baax na. Voilà ñaari côté yi boo si wulli rek voilà côté yi voilà là c'est ça mais comme ci comme bi féeteeg yàpp bi boobu moom moo gën a moom lañ souvent foofu la ñuy amee accès dëgg-dëgg ci affaire yi foofu la ñuy wullee souvent mais sinon dans le cas contraire noo ko mën a wullee rek baax na. La 10e question yi maa ci moom la ñuy jeexalee sax moom mooy ci mooy tëj question macha la fiqe yi mooy der bi su ma ko wullee ba pare est ce que mën naa ko jaay loolu dañuy gis ni également tamit c' est bien possible mën naa jaay def boo xamante ni wulli naa ko ba pare ndax sobe la woon bu njëkk mais mu mujj laab te lu laab dagan na pour jaay mais ci boo xam-xam yi uute nañ avant ma koy wulli ba xam mun naa ko jaay am déet ñi ëpp ci boo xam-xam yi nag dañ ni munuma ko jaay ndax sobe kenn du ko jaay waaw question bi du moment où wulli nañ der ba pare dañuy gis ni kon mun nga koo jaay ndax nekkatul sobe laab na léegi xam naa yi dugg ci troisième partie bi waaw yooyu lañ gisoon ci wulli waaw yooyu mooy question yi nga xamante ne dañ gisoon ci wulli globalement waaw waaw léegi yan produit laa ci mën defar der bu ma wulli yan produit ma gisee ni der bu ma ko wullee mën naa ca defar chaise fauteuil mën naa ci defar yére ceinture voilà sac calpé montre et cetera ay ndap ndap waaw mën naa ci defar ndap effectivement d' ailleurs looloo tax mu nekk suñu buntu sijaada et cetera mën naa ko defar tam pour décoré defar ci ay tableau voilà. Waa boo jàppee ñu fëpp le saw ah boo jàppee ñu fëpp le saw waaw est ce que mën nañ saar après rek waaw da nga war a def waaw bisimilah nga ne mais nga raxas ko est ce que yaa ngi jàpp ba léegi waaw waaw waaw waaw yaa ngi jàpp ba léegi doo nga ci ragal dara inshallah même boko raxusul ya nga ñap sauf que do meuna julli fek dindi wulo ko te fek ya ngoy meun nga ko dindi te ya ngoy baye xel kon di nga mo jang alcorane di mo tey kamil voilà bi ko meun tey par exemple mais do meuna jël alcorane bi par exemple voilà c'est ça li ngay meuna def rek moy yi nga xam tane lajul deñu sobe pour meun ko def comme jang alcorane tey wol tey kamil alcorane xam nga japp rek la laaj mais lajul par exemple nga baña am sobe par exemple lol diñ ko man c'est valable na ci bëpp sobe ha c'est valable na ci bëpp sobe wa mune am ki wul do demo ci dañuy la def lu xaar wala rek mo ci wa bismillah ya do am dinga wa dañuy gis mas ala qawaid fi usul usuliya moy dernier partie xamna résumé inshallah dañuy gis ni ci hadith yi dafa am ben volet bu général bu ci dégagé wu té moy al-qas wal-am al-mutlaq ak al-muqayyad muqayyad muqayyad muqayyad ci ñu bërgal la mbeureuk dal lekin no muqayyad bi qaf qay qaf wala ya da wala wala wala soppi wala li dañuy gis ni al-am moy lu general lo xamanteni ñu lu matale la khas moy exception comme suñu hadith bi ni ñu gis legi suñu su alcorane waxe ni medd dafa haram lol moy du general bepp medd dafa haram après hadith mo ñew wax ñu ni medd amna yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko comme hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam di wax ni haramal nañ ci yeen medd bam dess ñaari medd moy meddu geej ak lu amul dara moy bu ñëré lol moy al-khas wal-am benen moy al-mutlaq ak al-muqayyad al mutlaq moy lo xamanteni dañ ko joyel lo xamanteni dafa lo xamanteni dañ ko joyel amul restriction al muqayyad moy précision lo xamanteni comme par exemple suma ne ma al mutlaq ndox mo xamanteni dañ ko joyel la ndox rek la wax de manière générale mën na nek au gaz mën na nek boisson mën na nek ndox mu sedd mën na nek benen ndox mais suñu waxe al ma'u muqayyad moy ndox mo xamanteni dañ ko précisé du contraire bi la manam mutlaq xam nga amna différence dama ko faté précisé entre al ma'u mutlaq ak mutlaqul ma' c'est que dafa am tamit différence fofu motax al ma'u mutlaq moy ndox mo xamanteni dañ ko doyal manam moy l'eau de manière absolue dans sa voilà manam buma ne de l'eau comme tay suma ne la may ma ndox xamagu lo luma koy doye ba xam dama bëgg nan dama bëgg sangu dama bëgg foot ay yéré dama bëgg xamu lo lumay doye ndox mais ma ne la may ma ndox rek yow sa xel amna ci lumu dem ci ne loloy ndox lene lulul lool yow dang ko woro na préciser ba xamne du li ma xamne kon yow li nga bëgg lool moy maul mutlaq légui mu am mutlaqul ma'i manam mutlaqul ma'i moy lo xamantene dañ ko joyal ci ndox bu boba lool lu meuna don rek comme niñ ko waxe bepp liquide rek bo xamantene manam bepp ndox rek mu sobe wu mu am mu yépp day daal nek bu baax manam day tax day daal nek bi may wax donc fofu non la mais sinon muqayyad ndox ma muqayyad moy ndox bo xamne dañ ko teunk ci ben tour moy ma muqayyad moy dama ko teunk ci ben tour dal ni wax comme na ndoxum ten ndox oh ndoxum ten voilà exactement wala ndox bu tang okay wala yoy lolou dama ko teunk sauf que comme gisson nañ ko biñu giss walu ndox ndax bu sobewul gisson nañ ni teunk yoyu non amna yene teunk yo xamantene grawul du yak du téré du génné ndox ci labam manam moy ndax bu fekke place bi la wala yu mel non comme yi nga wax ni ndoxum ten ndoxum geej nangam dañ ko teunk manam kon bo wax bu ne la mayma ndoxum ten cela veut dire que ni bëgguma ndox robinet bëgguma ndox geej bëgguma ndox dex mais bu ten la bëgg lool moy mu xeyya sauf que tamit suma ne la ndox bo xamantene comme eau gazeuse bi ngay wax moy dama bëgg bi nga xamantene dañ ci def gaz mo nak eau gazeuse wala bok wala bok ndox bo xamantene manam ndoxum sucre wala ndox ak sucre wala genre yoy manam boy bi nga xamantene dama dañu jël sucre def ci bir ba mu saf ci et cetera donc man donc yoy buñ ko waxé manam moy dama ko teunk ci voilà dama ko teunk ci caractère ci ay caractéristiques yo xamantene ñu ñu déterminer la voilà légui nak bu fekkante ne dañ ko teunk ci ndox dañ ko teunk ci place bi wala comme ni nga xamantene non lañ ko waxe yo xamantene du comme mané ndoxum taw dama ko teunk ci originum fimu joggé ndoxum geej et cetera dama ko teunk ci place ba muy saxé ba mu nek et cetera yoyu yakul tuhur ya manam lab bi ndox mi lab té labalat mais su fekkante ne dama ko teunké ci lo xamantene luma ci yok la wala luma ci dolli wala yu mel non bu boba day da di nek lo xamantene day yak tuhur yegi tahara gi du ci def effet manam lab gi mu lab du ci def effet mais tuhur yegi lay def effet manam moy le fait que muy labalat legui nak mutlaq kon ak muqayyad dang koy meuna xame rek ci lo xamantene dama ko joyal ak lo xamantene dama indi ay tanki jibe Les deux Gisni, Al-Qas, toujours c'est toujours comme ça. Al-Qas, Muqaddamun ala al-Am, Al-Muqayyad, Muqaddamun ala al-Mutlaq. Le particulier, d'un qui est appliqué toujours au cas général, la règle générale. Al-Muqayyad, li nga xamanteni dañ ko tanki itam dañ koy appliquer toujours ci al mutlaq li nga xamni dañ ko joyal fofu dañuy gis ni également tay amna benen règle bu ci génné moy al am yutlaqu ala umumihi qata yaghib dalil al takhsis moy que bu général dañ koy appliquer ba bala ñuy gis preuve bo xamanteni moy particulariser règle moy comme ni mu ñëwé ci hadithu sayyid maymuna bi ñom dañoo comprendre ni lu meddi rek mom dañ koy sanni lool moy li nga xamanteni moy général lu meddi dañ koy sanni ba yoonentou sallallahu alayhi wasallam mo leen wax ni kat li ni kat amna lu ko particulariser soko wulé der bi ding ko mëna jëfëndiko ñaay règle ñu gis légui dañuy gis ni amna ñi ay semblable ñom tamit moy al mujmal ak mubayyan al mujmal moy lo xamanteni dafa concis am bayyan moy lo xamanteni dafa détaillé comme alcorane su ëndé par exemple su ëndé japp par exemple ci wir alcorane so xolé mom du la wax exactement ni ñi jappé il faut nga dem asuna ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam pour xam ni ñi jappé lool moy am bayyan ben moy an-nasikh wal mansukh moy lo xamanteni am nasikh moy lo xamanteni dañ ko abroger am mansukh moy li nga abroger non non contraire la an nasikh moy lan moy l'abroger li abroger xolo ismu fa'il la fa'il hein dang ah d'accord fa'il moy li defé maf'ul moy luñu def donc hein nasikh gissou forme fa'il la moy li abroger man sukh forme maf'ul la moy li ñu abroger forme active ak passif voilà exactement voilà active ak passif moy passif actif moy ismu fa'il voilà ay yoy yeb dañuy giss ni al mubayyan muqaddamun ala al mujmal toujours comme ni ko gisee ci al qas muqaddamun ala al am benen bi ak mansukh muqaddamun ala nasikh voilà voilà donc règle yi dañ koy waxé ni manam comme ni nga xamné non la ko waxé légui dañuy wax tamit benen dañuy utiliser parfois tamit ci yenen expression usul yu na rahmatullah man borom xam do manière générale alayhi rahmatullah dañuy faral di jëfëndiko tamit manam au lieu ñu utiliser batu jël benn bi tek bi ci dess ci manam jël ñaari tek ci ñaari chat yi jël batu muqaddamun ala tek ci digg bi leneen dañ wax yuhmalu dañ nan yuhmalu al-aama ala al-khaas yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad yuhmalu al-mujmal ala al-mubayyan ak yuhmalu mansukh ala an-naasikh amna tamit benen moy an-nasu moy wa an-nas an-nas moy lo xamanteni dal dafa leer lo xam jeul interpréter jeul voilà ñepp ko dégg dal benn compréhension nga ci am parce que dafa leer nañ voilà benen règle bi top moy as-sabr wa taqsim boobu moy suma amé par exemple benn série d'interdit suñ ma téré yo xamanteni dañu xaw beuré damay xol yiñ ma téré lan lañu bok li tax ñu téré mako suma dem ba gis lool lepp lo xamanteni da fay dugg après ci lool rek dam koy duggalale ci interdit bi moy as-sabr wa taqsim comme hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam di wax naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam am samni kalb nuñ ko jox comme exemple parce que yunus sallallahu alayhi wasallam day téré ñeugu xaj donc lepp lo xamanteni dafa nuro xaj rek donc mën na dugg ci lool non moy comme lu ak yeneen yi mi andal yépp wa lool qiyas la wa bon sabr wa taqsim xet la ci xet qiyas mais wa mais bi qiyas la rek de manière générale wa yegala baax na en fait moy suma ne tay par exemple sok xolé li bu fekkantene dañ ci tegat leneen par exemple comme le fait que yentibi sallalahu alayhi wasallam masalan tere njegu yi nga xamantene dañ koy téré manam yu comme yu demé nek ay